comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 décembre 2025. L'album de la semaine, c'est Double Fantasy, sorti le 17 novembre, il me semble, 1980, aux États-Unis. Le dernier album en date le dernier album du vivant de John Lennon, évidemment. Il n'y aura bien entendu que des chansons de John Lennon. On entendra Just Like Starting Over, Clean Up Time, I'm Losing You, Woman, évidemment, on ne pouvait pas rater ça. J'ai choisi Dear Yoko plutôt que Beautiful Boy. J'aurais pu inverser, mais bon, c'est ce qui est venu. Et Watching the Wheels. Mais il y aura également du McCartney, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour McCartney, on commencera avec London Town sur l'album éponyme en 78, London Town. Nous nous ferons une dernière fois pour l'année le plaisir d'écouter Wah Wah, le remix de 2020 sur All Things Must Pass de George Harrison. George Harrison, ça c'est lui, oui. Mais Ringo Starr nous chantera Oh My My sur l'album Ringo en 1973. Et on commencera avec les Beatles à peu près dans l'ordre, il me semble. Ce sera d'abord Please Please Me sur l'album du même nom aussi. Please Please Me, sauf que eux avaient rajouté With Love Me Do and 12 Other Songs. C'est un peu long, alors je le résume à Please Please Me. Je vous signale que c'est la dernière émission de la saga des Fab Four. Oui, pour l'année. Parce que la semaine prochaine, je serai absent. Et le 24 et le 31, vous serez chez vous en train de faire la fête. Et on va dire que moi aussi. Donc, pas d'émission. Donc, passé 22h et une petite virgule, on se retrouvera lundi prochain. Voilà. Rendez-vous sur le groupe Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, pour pouvoir discuter si vous le souhaitez. Et l'émission démarre dans quelques secondes. Je vous l'ai dit avec le générique, l'album est sorti le 17 novembre 1980. Double Fantasy est le grand retour de John Lennon après 5 ans d'absence discographique consacrée à sa vie de famille et à l'éducation de Sean. Il avait raté celle de Julian parce qu'il était pris par le tourbillon des Beatles, si on veut. Et il a voulu vraiment être présent pour Sean. Et c'est vrai, moi je l'ai vécu un peu, j'avais 11 ans, 75, mais je me souviens qu'entre 75 et 80, ça paraît long. Alors que finalement 5 ans, c'est pas énorme, mais c'est pas le seul à avoir fait. George Harrison l'a fait aussi. Donc l'album est conçu comme un dialogue amoureux entre John et Yoko. Et oui, un échange de morceaux l'un après l'autre. L'avantage du CD, c'est qu'on peut programmer et maintenant avec iTunes, on peut prendre les morceaux qu'on veut. Bon. Tragiquement, John sera assassiné 3 semaines après la sortie, ce qui fera de l'album un symbole de renaissance brisée. Oui, parce que John Lennon se sentait bien à 40 ans, il avait l'impression que il était devenu apaisé, amoureux, père, fragile, mais assumé. Il se sentait bien, il l'avait dit dans une interview. C'est terrible d'entendre ça de sa bouche. J'ai 40 ans, je me sens bien, j'ai toute la vie devant moi. Eh ben, ça n'a pas été le cas. Bon, allez, on écoute la première chanson. La première chanson, c'est la chanson Just Like Starting Over. C'est un hymne de renaissance personnelle et artistique. Sonorité rock 50s, façon Elvis ou Roy Orbison, si vous voulez. Volontairement rétro. John l'a composé en parlant de recommencer à zéro dans son couple et dans sa vie. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Took time, no one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting. like starting over. Starting over. Why don't we take us alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Between the two months, we took the time. No one was to blame. My little time flies so quickly. Silver rain. McCartney en 1978 sur l'album London Town avec ce titre, London Town. Revenons en arrière, nous ne sommes pas en 1978 mais en 1970. Les Beatles sont séparés. George Harrison avait proposé pendant un bon moment plusieurs chansons aux Beatles. Enfin, quand je dis aux Beatles, c'est surtout à Lennon et McCartney. Ceci dit, George Martin lui-même a mis longtemps à comprendre combien George Harrison était bon. Il l'a reconnu un peu plus tard. Donc il a proposé plusieurs chansons, lesquelles l'ont été poliment refusées. Il les a donc gardées avec lui pour les ressortir finalement en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Il a dit avec son humour tout à fait harrisonien, avec les Beatles c'est un peu comme si j'étais constipé. Et une fois qu'il y a eu la séparation, on va dire que je me suis libéré. Quel bel album! C'est pas un album de merde si on ose dire que cet album All Things Must Pass, il est vraiment très bon. Voici Wah Wah sur RIG. Un conseil, montez le son très très fort. Et dites aux voisins d'écouter la saga des Fab Four. commencer à se sentir mal, Ringo Starr, parce que là, dans les dernières paroles, il dit « Come on baby, I'm willing to die ». Donc, allez, ma chérie, j'ai envie de mourir. Bon, admettons que c'est juste comme ça. Hein? Parce que je vous ai dit qu'après 75, vers 75 jusqu'en 81, il a eu une très mauvaise période, Ringo Starr, mais très mauvaise. Mais bon, il s'en est ressorti, et puis franchement maintenant, bon sang, mais il s'embellit avec le temps, c'est impressionnant. Il nous sort très bon album sur très bon album, et là un album country pour 2025, et la suite en 2026, puisqu'il a composé trop de chansons pour l'album country, donc il en profite pour en faire deux coup sur coup, et c'est tant mieux, parce que quand c'est bien, nous on prend, voilà, pas de problème. Si nous passions aux Beatles, les Beatles, extrait du premier album des Beatles, Please, Please Me. Au début, cette chanson-là était faite justement, on en a parlé un petit peu lorsque j'ai présenté Starting Over, c'était à la Roy Orbison, c'est-à-dire John Lennon pensait à Please, Please Me, pardon pour la mauvaise voix, le chant faux, mais c'était un truc lent. Et George Martin a eu le nez en disant, vous allez chanter ça un petit peu plus vite et ce sera votre premier numéro 1, et ben ça a été comme ça. À consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos 4 amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Place. The gods are in the heavens, the angels. illustrate as well. Oracle has spoken, we cast the perfect spell. Queen is in the counting house, counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies, absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Now it begins. Let it begin. Clean up time. Center of the circle will always be our home. Yeah, yeah. Inspiré par la psychanalyse méthode Primal Scream, il faut le dire en anglais, suivi par John dans les années 70, métaphore d'un grand ménage intérieur pour repartir sainement. Voilà ce qu'on peut dire sur cette chanson Clean Up Time. Il est temps on nettoie tout et on recommence à zéro. C'est encore un peu le même thème que la chanson précédente, Just Like Starting Over. Il recommençait et il pensait que tout allait bien, que tout irait bien. Come, you say you will when you won't. Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth, how is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't, honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Ah, rock on, George, one time for me. Saturday night, Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town, baby, been stepping around. But well, honey, don't. I said, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. don't. I'll say you will when you won't. Honey, don't. I'll rock on George Baringo one time. Éric Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Éric Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des femmes fortes. Nous sommes en 1964, quelle belle année. Et cette chanson, I Should Have Known Better, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû mieux savoir d'ailleurs pour être exact. C'est sorti en 45 tours, en face B de 45 tours de Hard Day's Night aux États-Unis. Ça ne s'est pas classé, cette chanson-là en tout cas, de manière extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ça a été, oui, c'est sorti le 10 juillet 64, j'étais né, yes. Bon, voilà, il y a rien d'extraordinaire à dire sur cette chanson-là. Si, c'est l'une des dernières fois qu'on entendait de l'harmonica sur une chanson des Beatles. Parce que, voilà, tiens, j'ai écouté une interview de Paul McCartney, pas plus tard que cet après-midi, récente, puisqu'il a les cheveux gris et tout ça, qui disait, il y a certaines personnes qui, quand ils trouvent quelque chose qui marche bien, ils le refont sans arrêt. Nous, en tant que Beatles, on était jeunes, on avait envie à chaque fois de faire quelque chose de différent. Donc, ils ont fait des chansons avec de l'harmonica, eh ben on laisse tomber l'harmonica et puis on cherche autre chose. Et ils l'ont fait. Maintenant, c'est George Harrison sur RG. En 1975, son nom, ses jambes. C'est un pote à lui. His name is Legs sur RG. J'aime bien l'air. C'est sympa. Ça va pas très loin, mais c'est sympa. Vous êtes sur RG 90.7. C'est la radio des Beatles. day only, not deal with all life's problems just for today. En 1987, cette chanson-là, par contre, et cet extrait de l'album Cloud Nine, on sent la patte de Jeff Lynne dans les ouh, les chœurs, dans le style, en tout cas, la batterie aussi, la batterie mise en avant comme ça, c'est tout à fait le style du producteur Jeff Lynne, qui a coproduit l'album, hein, il n'était pas tout seul, mais quelle belle chanson, c'est vrai. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Double Fantasy, que je m'amuse à marquer Simple Fantasy, puisque je n'écoute jamais les chansons de Yoko Ono. On verra si, lorsqu'elle partira, je ferai un effort. Je pense déjà savoir quelle chanson je passerai. Ce ne sera pas une chanson uniquement de Yoko Ono, et peut-être encore, c'est même pas sûr. Bon, donc, on oublie ça. La chanson, c'est Clean Up Time, c'est ça? Non, I'm Losing You, on l'a passé déjà, Clean Up Time. I'm Losing You, c'est une interprétation puissante, très émotive. Elle a été écrite à New York après une période de tension dans son couple. Il existe une version alternative plus rock avec les Cheap Trick, beaucoup la juge supérieure. Néanmoins, moi, la version que j'aime, c'est celle de l'album, parce que Lennon lui-même avait fait une version différente qui est ressortie plus tard sur les anthologies Lennon. Et celle que je préfère, c'est celle-ci, que vous allez entendre maintenant sur RIG. I took my baby to a party last night. a party last night. She was so beautiful, she made me uptight. A pure butcher with angels inside. It's all down to good night Vienna. Good night Vienna. Hey, hey, hey. Come on boys, sing it to me. Hey. Just a short break and they'll be back on stage ready to do it to you one more time. Alors c'est un... Ça, c'est un maxi-single sur lequel il y a les deux morceaux de la chanson en 1974, Goodnight Vienna et Goodnight Vienna reprise. Et sur cette chanson, ce que j'aime bien, d'abord, c'est une chanson de John Lennon qui a été offerte à Ringo Starr en 1974 sur l'album Goodnight Vienna du même nom. Et puis, à la fin de la reprise là que vous avez entendu coller à la suite, il dit « on va faire un petit break de 15 minutes et après, on revient jouer sale une fois de plus ». C'est mignon. Let's go. Back, back, back, back, back. Les Beatles. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel it. it's as if it's understood she's cool. She told when she was young that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, quelle est belle cette chanson. Rubber Soul sur R.I.G. en 1965. Quel bel album. C'était vraiment un des tournants. Ils ont fait plusieurs des tournants, les Beatles. Mais là, ça commençait vraiment. Vous voyez, ils n'avaient pas encore arrêté les tournées. Mais pourtant, ils avaient énormément évolué, ne serait-ce que depuis 2 ans. Le premier album, Please Please Me. Hein, et puis celui-ci, Rubber Soul, il sortait 2 albums par an à ce moment-là. Et puis qu'est-ce que c'est bien fait, avec un petit côté coquin, puisque le tit chanté dans la chanson, tit ça veut dire téton en anglais. Oui, moi j'avais noté. Allez, je vous propose une chanson de 1986 sur un album qui n'a pas été bien accueilli par la critique, et pourtant je l'aime bien cet album. C'est pas son meilleur, de Paul McCartney, mais c'est un bon album. Il y a de belles chansons dessus, notamment celle que j'adore, c'est However Absurd, que je vous propose régulièrement. Là, je vous propose Pretty Little Head, mais pas la version de l'album. La version de l'album où la voix de Paul n'est pas suffisamment mise en avant. C'était une tentative, pourquoi pas. Il a ressorti en CD single. Et là, sur le CD single, la voix est beaucoup plus en avant. On reconnaît que c'est bien McCartney. La voici, cette chanson. Là, c'est vraiment Paul McCartney des années 80, qui veut faire années 80 et qui arrive bien. Hein? Pretty Little Head sur R.I.G. dans la saga des Fab Four numéro 656. La dernière de l'année. La dernière, oui. We'll be right back. a toujours essayé d'être de son temps, Paul McCartney. Au point même de nous faire, il y a quelques années, un truc horrible que je n'ai pas un enregistrement, je n'ai pas voulu. Il avait accepté qu'un rappeur, que deux rappeurs, il me semble, chantent sur Yesterday. Quel sacrilège. Et d'entendre Yesterday 1, 1, 1. Oh là là là, j'ai les poils qui se hérissent, rien qu'à me rappeler ça. Bon! Revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Double Fantasy de John Lennon, sorti en 1980. Et voici une chanson d'amour forcément pour Yoko Ono, mais qu'il a su rendre suffisamment universelle pour qu'on puisse la dédier à qui on veut, parce que c'est une chanson pour les femmes. Donc, permettez-moi, en ce presque Noël de 2025, de dédier cette chanson à Alexandra. L'autre moitié du ciel. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois dans leur carrière séparée, même si eux-mêmes avaient fait une cover de quelqu'un d'autre, comme par exemple George Harrison qui reprend Baltimore Oriole. Eh bien, là, c'est un artiste américain avec qui j'ai eu le plaisir de converser via YouTube parce que j'avais apprécié sa cover et je lui avais dit que je faisais une émission sur les Beatles ici à Bordeaux. Et que j'envisageais de passer sa cover de Across the Universe. Il s'appelle Robert Cassard. Il était très content. Il m'a dit bah oui, si tu veux, merci beaucoup. Et puis envoie-moi le moment, ça me fera plaisir. Et je l'ai fait. Je lui ai envoyé en message privé. Voici sa cover Across the Universe par Robert Cassard, qui est un artiste aux États-Unis. que je ne connais pas plus que ça. Il est sur YouTube. Moi, j'aime bien. La semaine dernière, puisque j'ai fait le podcast il y a très très peu de temps, je sais que je vous ai parlé sur l'album Stop and Smell the Roses de Ringo Starr de deux chansons que je n'aimais pas sur l'album, que je trouvais faibles. Et ben, j'ai décidé pour cette dernière émission de l'année de vous passer au moins une des deux chansons que je n'apprécie pas, que je trouve franchement bof. Voilà. Voici donc Drumming is My Madness, qui est, selon moi, l'une des chansons les plus faibles de l'album. En 1981. étions avec les Traveling Wilburys en 1988 sur leur volume 1 et Bob Dylan en lead singer, c'est certain, vu la voix, avec Congratulations. Là encore, la semaine dernière, si vous suivez régulièrement la saga, je vous ai passé une version studio de Soily de Paul McCartney, hein, en vous précisant bien qu'il fallait entendre la version de Wings Over America de 1976, parce que là, elle est démente, elle est absolument fantastique. Eh bien, pour cette dernière émission, j'ai décidé de vous prouver qu'elle est fantastique avec cette chanson. Soily, Soily sur RG, c'est Paul McCartney à son meilleur. Excusez-moi, mais oh, ça me donne envie de vous passer le concert en entier. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que j'aime ce concert, qu'est-ce que je l'écoute régulièrement chez moi, parce que franchement, moi je pense que c'est... Enfin, non, c'est difficile à dire, c'est ça qui est marrant, avec Paul McCartney c'est toujours pareil, c'est difficile à dire. J'adore ce concert, il est fantastique, il faisait beaucoup moins de Beatles et beaucoup plus de Wings à l'époque forcément, et donc c'était bien, sous-pesé, vous savez, c'est la balance était bien quoi. Maintenant, il fait beaucoup de Beatles, mais c'est bien aussi. Et c'est vrai qu'écouter Sgt Pepper et tout ça, ça vaut quand même le coup. Donc, quand je l'ai vu, moi, pour la première fois en 1989, j'ai cru que je pouvais mourir après. Heureusement, je suis pas mort, sinon vous n'auriez pas la saga des Fab Four. Oh, je fais des rimes. Vous n'auriez pas la saga des Fab Four ce soir. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien, Paul McCartney en concert. Allez. Maintenant, c'est John Lennon. John Lennon, dans son album solo, dans son album de la semaine, l'album Double Fantasy. Et vous voyez, tout à l'heure, il a chanté Woman, une ode à Yoko, mais de manière assez vaste pour qu'on inclue tout le monde. Et là ben non, dear Yoko. Mais elle est marrante, cette chanson. Elle va pas très, très loin, mais elle est marrante. Il dit, chaque fois que je pense à toi, cher Yoko. Quand je suis au milieu de la nuit, hop, je pense à toi, cher Yoko, blablabla, etc. C'est mignon, c'est entre-dents, c'est sympa. Ça n'est pas un grand tube. Even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear Yoko. Even if it's just a day, I miss you when you're away. I wish you were here today, hey, dear Yoko. Even if it's just one night, I miss you when it don't feel right. I wish you were here. We're here tonight, and that's enough. Stay.

Let's go back, back, back, back, back. J'ai envie de vous dire ça. Il y en a un qui avait raison et l'autre qui avait tort. Brian Epstein avait dit « On écoutera les Beatles en l'an 2000 ». Il a eu raison. Il a eu raison parce que c'est vrai, on écoute encore les Beatles. Pas plus tard que ce matin, dans une radio généraliste, j'ai entendu une chanson des Beatles. Voilà. Mais mon papa à moi, en 1980, lorsque je lui disais que j'aimais bien les Beatles, etc. Donc ça faisait une dizaine d'années, parce que c'était dans les années 80 que les Beatles étaient séparés. Il m'avait dit « Oh, tes Beatles, tu parles, on n'en parlera plus dans pas longtemps ». Et là, il avait tort, mon papa. Et pourtant, il était bien, il était très gentil, mon papa. Et il... Mais bon, il aimait Maurice Chevalier, alors c'est pas pareil. Lui, regarde les roues qui tournent. C'est John Lennon sur l'album Double Fantasy. Dernier extrait sur RG. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. As long as you and I are here, put it there. long as you and I are here, put it there. If there's a fight, I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along, put it there. If it weighs a ton, that's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton, as long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé d'Eric parce que Eric n'est pas là ce soir. Il est, il a une extinction de voix. Donc, faire la radio comme ça, c'est pas terrible. Donc, on excuse pour cette semaine et puis on espère vraiment que la semaine prochaine, il sera là. D'ailleurs, ce sera à mon tour de ne pas être présent la semaine prochaine. Du coup, eh bien, on va prolonger un poil, hein. J'ai programmé plusieurs chansons qui ont leur place puisqu'on est à l'approche de Noël. On va écouter Ding Dong, Ding Dong de George Harrison. Puis il y aura Happy Christmas, War is Over de John Lennon. Et puis, on aura également droit à Christmas Time is Here Again, non pas par les Beatles, mais par Ringo Starr. One, two. False dreams. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The old and the young. A very Merry Christmas. And a Happy New Year. La guerre, il parlait de la guerre du Vietnam, il me semble, à cette époque-là, 1971. Et là, bon, allez, on va pas parler de mauvaises choses. Christmas Time is Here Again, c'est Ringo Starr en 1999, sur l'album I Wanna Be Santa Claus, je veux être le Père Noël. Christmas. pas se quitter encore tout de suite, encore 3-4 chansons maximum. Et la saga vous dira au revoir pour cette année. La saga des Fab Four, c'est seulement sur RIG. Il y a encore quelque chose. On va attendre un petit peu puisqu'on a le temps. À la fin du disque, grosse surprise. Il y avait ça. Grosse surprise du temps du vinyle parce que cette fois-ci, j'écoutais au casque. Et j'avais laissé le disque se terminer. Je faisais autre chose en même temps. Et puis j'entends ça. Je me suis dit, mais ils sont complètement dingues. Allez, dernier titre pour la soirée. C'est Ringo Starr, Don't Go Where the Roads Don't Go, sur RG. Vous voudriez que ça dure jusqu'à minuit. Ah, mais c'est pas évident. Je suis debout depuis. Mais très tôt ce matin. Allez, je vous souhaite alors donc. On va rester 3 semaines sans se voir. Parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Et le 24 décembre et le 31 décembre, vous serez chez vous en train de faire la fête. Et probablement que moi aussi. Donc, on se souhaite plein de bonnes choses. Et on se revoit l'année prochaine. La semaine prochaine, il y aura Eric tout seul. Donc, ça commencera à l'heure. Et je vous souhaite donc de bonnes fêtes. Et à l'année prochaine. Restez encore, vous savez que quand il n'y a pas Eric, il y a un petit bonus juste après le générique. Et puis après, on se dira bye bye, ciao. Voilà.